Début de journée, mise en route. Je vois pas la vie en rose, je suis dans le rouge. Un jeudi comme les autres. Juste un jeudi comme les autres. J'ouvre les yeux une minute avant que le réveil sonne. La routine, je me lève tôt à l'heure où y'a personne. Je prends mon paquet au bord du lit, première grande taf. Pas besoin de voler, si je vois le soleil, c'est que je suis en retard. Je mate le plafond, je commate sur cette fissure. Je la vois pas grandir, elle est plus grande qu'avant, j'en suis sûr. Je me lève, je quitte mes petits rêves à 3 francs. Œuf mayonnaise pour le petit déj, pas de croissant. Un café, obligé pour être au taquet. J'enfile mes claquettes, touche en speed avec des sons classiques. J'essaie les sons actuels, mais y'a R. C'est plus humain, les radios rap, c'est de la merde. Deuxième café obligé pour être aux aguets. J'enfile mes baskets, j'pars tranquille, direction le parking. C'est quoi cette journée encore pire que la veille? J'aimerais que ça passe comme l'inverse pour encaisser, j'fume la verte. Au coin de la street, sous les pubs, quelques gosses bourrés. L'humain s'ennuie comme un enfant qui a trop de jouets. J'arrive au Nissan, fils, ça j'le démarre. J'm'arrête à la station, j'regarde les prix, j'déraille. J'allume le pote, j'écoute le journal de la nuit. Réchauffement, armement, là c'est radio apocalypse. L'argent du peuple est siphonné, ils font des tours de magie. C'est les élections des candidats, ont des discours de nazis. Les allocations logement doivent être limitées aux Français et ne plus être données aux étrangers. Après tout, remettons-les dans les bateaux. J'arrive au taf, je me gare à côté de la maintenance. J'enfile mon gilet orange, la journée démarre maintenant. Je dis bonjour aux collègues sans faire dans la séduction. Écouteurs dans les oreilles pour m'isoler avec du son.